بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله. فها هي لقاءات الخير تتجدد ويتجدد مع الإيمان، وتعظم معها المحبة، المحبة في الرحمن، ولا نزال متواصلين متواصين بالحق والصبر، تعظيما لهذا الأصل العظيم الذي هو أعظم أصل من أصول النجاة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي سورة أخرى أضيف إلى هذا التواصي بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالحق إذا لم يكن معه مرحمة وعليه صبر فسرعان ما ينقلب عنه أصحابه. وصيف خير من الله عز وجل يسوغ من الله عز وجل لغنكونتر دي بيان كي سغنوفل يافيك سا لفوا وسي سغنوفل اي اوغمونت اي اوغمونت وسي افيك لامور من الله عز وجل اي نصوم توجور en train de se conseiller mutuellement la vérité, la patience et l'endurance, hein, pour mettre en valeur ce grand fondement qui nous permettra d'être sauvés, comme il a été dans le verset par le temps lu, l'être humain est en perdition sauf ceux qui ont cru faire bonne œuvre et se sont conseillés la vérité, se sont conseillés la patience. Dans un autre verset, à cette patience et à cette vérité a été rajoutée la clémence. Ils se sont conseillés la patience, ils se sont conseillés la clémence. Car la vérité, s'il n'est pas accompagné de patience, et s'il n'y a pas d'endurance dedans, et il n'est pas accompagné d'endurance et de patience, les personnes qui sont sur cette vérité se retournent et se renversent, et leur situation se renverse. On est obligé d'avoir la vérité, et de se conseiller la vérité en même temps, d'avoir la clémence avec, et l'endurance et la patience. والظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية صعبة وصعبة جدا، لكننا على ما نحن عليه لا تغيرنا الظروف ولا تكدرنا سوء الأحوال، وإنما نسير على سنن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والثبات على أمر الله وفق منهج سلف هذه الأمة. Et les situations que traverse la communauté islamique maintenant sont très difficiles. Mais les situations ne doivent pas nous changer. Et les situations difficiles ne doivent pas nous changer, ni noircir la notre chemin, ni nous empêcher de marcher sur le chemin de nos plus ardu Allah alayhim. Nous suivons la sunna d'Allah azza wa jal en cherchant aide auprès d'Allah azza wa jal, et en essayant d'être raffermi sur la voie de ne plus erreur d'Allah alayhim, et en suivant les ordres d'Allah azza wa jal selon la voie de ne plus erreur d'Allah alayhim. فأيها الإخوة في الله، عودة إلى دراسة كتاب الشيخ العلامة يحيى النجمي حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه ومتع به المورد العدب الزلال بعد هذه الفترة الطويلة، بعد هذا الانقطاع الطويل. فوصلنا إلى الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين. Donc voici, nous retournons à l'étude de ce livre de l'éminence Yahya al-Najmi hafidhahullah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, qu'il nous fasse profiter de sa science. Nous retournons à l'étude de son livre, la source délicieuse et abondante dans la critique de certaines voies et de certaines croyances, de certaines voies dans Dawa et de certaines croyances. Après cette longue coupure, nous sommes arrivés au chapitre 9. Et le chapitre 9, le titre est tout simplement où le cheikh nous montre ce qu'on reproche aux frères musulmans et les points sur lesquels sont critiqués les frères musulmans. ورأينا أن أول ملاحظة أخذ عليهم الشيخ وكذلك أهل العلم أولا تهاونهم بتوحيد العبادة وعدم جعله نقطة انطلاقة ثانيا إقرار المشاهد والأضرحة وعدم محاولة إزالتها ثالثا قبول المشركين بالله شركا أكبر في جماعتهم رابعا تهاون البنا في التوسل الذي هو من الذرائع المؤدية إلى الشرك خامسا حضور البنا الأعياد المبتدعة ومحاضراته فيها سادسا انعكاس هذا التساهل على الأتباع سابعا انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي الطريقة الحصافية ثامنا قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل والآن مع الملاحظة التاسعة donc nous avons vu parmi les critiques que Cheikh Najmi a émis contre l'Ikhwan et qu'il met aussi beaucoup d'hommes de science, c'est qu'il néglige le monothéisme de l'adoration. Et leur point de départ dans leur dawa, ce n'est pas le monothéisme de l'adoration. Deuxièmement, ils approuvent les mausolées et les constructions qu'il y a sur les tombes, ils n'essayent pas de l'enlever. Troisièmement, ils acceptent les associateurs, le grand associationnisme dans leur groupe. Quatrièmement, le Benna, le fondateur de ce groupe, est négligent au niveau du fait de prendre une intermédiaire auprès d'Allah Azza wa Jal, et le fait de prendre une intermédiaire auprès d'Allah Azza wa Jal, ceci est un moyen pour arriver à l'associationnisme. Aussi, cinquième point, c'est que le Benna assistait à ces fêtes innovées comme le Mouloud et autres. Il faisait même des conférences dans des lieux où il y a des mausolées. Sixièmement, toute cette négligence, on la voit aussi chez les disciples de ce groupe. Septième critique, le fait que le Benna, il s'attribue l'aqida des Sofis, et notamment de la tariqa al-Hussafiya. Huitièmement, les dirigeants de l'Ikhwan et leurs théoriciens, dans leur voie, ils vont vers le dogme de l'Asha'ira, qui est la voie d'Yel, oui, le fait de donner d'autres significations aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et maintenant avec la neuvième critique, Yaqulu Sheikh Al-Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala Al-Mulahadatu Al-Tasi'a وهذا مجلسنا التاسع والعشرين أي الدرس التاسع والعشرين في هذا الكتاب الملاحظة التاسعة دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسي maintenant la neuvième critique qui mis cher Najmi sur le groupe des frères musulmans appelez bon c'est le 29e cours que nous faisons dans ce livre. La neuvième critique, c'est que Cheikh al-Banna, Hassan al-Banna, rahimahullah, prétend que sa da'wa a réuni tous les sens de la réforme. Il prétend que sa da'wa, c'est une da'wa salafia, et que c'est une voie sunnite, et c'est une réalité sofi, et c'est un groupement politique, et que c'est un groupe sportif, et c'est une union culturelle et scientifique. Et il a expliqué tout ça quand il parle qu'il dit de son groupe c'est une droite salafia, il dit parce qu'ils appellent vers le fait de revenir à l'islam et vers la source claire du livre d'Allah et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. وإلى الآن ما يقول الشيخ النجمي معلقا على هذا الكلام. وأقول يقول الشيخ النجمي: ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع معتنقيه، وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره؟ ثم قال: وطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. Et Cheikh Najmi, de dire, critiquant ce passage que je viens de citer, il dit: c'est beau, tout ceci est beau, tout ce qui a été dit est beau, s'il était fondé sur le monothéisme et sur le fait d'être séparé de l'associationnisme dans toutes ses formes, hein, et de se séparer des associateurs. Et ça serait beau si c'était, s'il n'y avait pas d'innovation, toute forme d'innovation. Mais comment on peut être épargné d'innovation et d'associationnisme alors qu'on a été éduqué dans le giron du sophisme et des sophies, et qu'on a bu le lait depuis qu'on est jeune, le lait du sophisme? Et après, le Benna a dit: et c'est une voie sunnite, car il s'impose à eux-mêmes le fait de mettre en application la sunna dans toutes choses, et surtout dans les croyances et dans les adorations, tant qu'ils le peuvent. الشيخ النجمي دو كريتيكي سو باساج دو دير. يقول الشيخ النجمي: هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة. الدعوة وأهم شيء فيها وهو وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حيث بدأ كل رسول صلى الله عليه وسلم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية، مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. الشيخ النجمي دو كريتيكي encore ce passage et dire: ça c'est une prétention, car la réalité des Ikhwan et la réalité du fondateur de leur groupe, hein, ne rend pas véridique ces prétentions. Au contraire, il dément ces prétentions et il dit: nous leur demandons tout simplement d'être véridique dans la chose la plus principale et la plus importante, et qu'il commence par la chose fondamentale dans cette religion et par la chose la plus importante dans la da'wa. Et ils n'ont pas commencé avec. Pourquoi ils n'ont pas commencé avec? Pourquoi ils n'ont pas commencé de là où a commencé Mohammed a.s. et de là où ont commencé tous les prophètes a.s. et de là où ont commencé tous les prophètes a.s. Et il cite ce verset du Coran: ô peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Et il cite ce verset: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, et le messager a dit à son peuple: adorez Allah, évitez d'adorer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Cheikh de nous dire: toute da'wa qui ne se base pas sur cette base fondamentale et qui, dont le point de départ n'est pas le monothéisme, ce n'est pas une da'wa sunnite, ce n'est pas une da'wa salafia. Malgré ce que prétendent ceux qui le disent et ceux qui la font, ils ne sont pas sunnites, ils ne sont pas salafites non plus. Wa yaqulu al-shaykh Abu Malik al-Juhani hafidhahu Allah ta'ala mu'alliqan ala hadha al-maqta' iddi'a al-banna بأن دعوته دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية. كلام البنا هذا ليس له رصيد في الواقع بزعمه أن دعوته سلفية وطريقة سنية، ولكن بالنظر إلى واقع الجماعة بل إلى واقع المؤسس تجد أن هذا الكلام مجرد دعوة ليس له حقيقة على أرض الواقع. وسبق التوضيح لذلك من كلام البنا ومواقفه وعقيدته. Et Cheikh Al-Juhani hafidhahullah Abu Malik de dire: cette prétention d'Yal Banna dans le fait qu'il prétend que son groupe est une da'wa salafi, est une voie sunnite, est une réalité sophi, est une délégation ou un groupe politique, a dit ces paroles d'Yal Banna n'ont aucune valeur dans la réalité. Ce ne sont que des prétentions. Quand il prétend que sa voix, c'est une da'wa salafie, que c'est une voix sunnite, quand on regarde à la réalité du groupe et la réalité du fondateur, on voit que ces paroles, c'est des prétentions tout simplement. Ils n'ont pas de réel, ils n'ont pas véridique dans la réalité. Et il a dit, et les éclaircissements sont passés avec nous de la parole directement du Benna et de ses positions, et de ses positions au niveau de l'aqida. وكيف أن البنا يحتفي بالروافض وغلاة الصوفية الختمية وغيرهم فأين الدعوة السلفية وهو يحتفل بالمولد النبوي ويحتفي بدعاة الشرك والخرافة فأين الطريقة السنية عند حسن البنا وجمع وعند أتباعه فكلامه هذا غير صحيح فالعلامة الشيخ النجمي يبين لنا أن هذه دعوة فقط وهذا صحيح فالواقع لا يصدق هذه الدعوة العريضة في كلام البنا والإخوان هكذا يزوقون وينمقون الكلام اختصاصيون في هذا الباب وعلى الإنسان أن لا يغتر بالكلام والدعاوى لأن الدعاوى تحتاج إلى بينة كما نص على ذلكم الشرع البينة على المدعي ثم قال وحقيقة صوفية وهذا حق واضح عند هذه الجماعة لكن كيف يجمع بين هذه الحقيقة الصوفية والطريقة السنية والدعوة السلفية فهذه متناقضات أن لها أن تجتمع Et comment aussi le Banna, il fait l'éloge à Rafida, il fait l'éloge à Ghulat Sofia, aux extrémistes du soufisme, hein? Et autres. Donc, où il est sa da'wa salafite? Alors qu'il fête le Mouloud, alors qu'il fait l'éloge au du'at de l'associationnisme et des histoires à dormir debout, où il est la voix du sunna chez Hassan al-Banna et ses disciples? Donc ces paroles ne sont pas avenantes. Et l'allama Cheikh Najmi rahmatullah alayh est en train de nous montrer que tout cela, les paroles de Yal Banna, ce ne sont que des prétentions et que ce n'est pas une réalité. Et la réalité du groupe ainsi que de Hassan al-Banna ne rendent pas véridique ce que prétend le Banna et les paroles de Yal Banna. Et ça, c'est la voie, c'est la façon de faire d'Yal Ikhwan. Ils utilisent toujours un beau langage et ils embellissent les paroles, ils sont des spécialistes à ce chapitre-là pour s'accaparer de l'esprit des gens. Et il appartient aux musulmans de ne pas se faire avoir par les bonnes paroles et par les prétentions, car toute chose qu'on prétend doit avoir une preuve. Comme la législation le dit, la prétention a besoin. Tout quelqu'un qui prétend quelque chose, il faut qu'il ramène sa preuve. Et après, le Banna a dit, et c'est une réalité sophie, et ça c'est vrai. Et c'est clair dans la voix de ce groupe. Comment? Et aussi la question qui se pose, comment on peut réunir entre cette réalité sophie et une voix sunnite et la da'wa salafia? Ce sont des contradictions. Comment on peut les réunir? C'est impossible de les réunir. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وحقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير ويقول الشيخ النجمي أن الحسن البنا يقول وحقيقة صوفية لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله et الشيخ النجمي de nous dire الحسن البنا de dire c'est une réalité صوفية parce qu'ils savent que la base de tout le bien c'est le fait de se purifier de purifier son état intérieur, de purifier son cœur et d'être constant dans l'œuvre et de se détourner des gens et d'aimer pour Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ الجهني حفظه الله تعالى لماذا يقول إنها حقيقة صوفية؟ لأنهم يعلمون أن أساس طهارة النفس تزكيتها هذا كله طيب لكن هذا ليس هو حقيقة التصوف فالتصوف بلاء وشر التصوف لا يفسر بتزكية النفس لأنه تدنيس للنفس خاصة عند المتأخرين هؤلاء الشيخ الجهني de nous dire pourquoi le Banna il dit que c'est une réalité صوفي il dit parce qu'ils savent que la base que la base de la purification de l'être humain c'est de se purifier et il dit tout ceci est bon. Mais ça, ce n'est pas la réalité du sophisme. Le sophisme, c'est un mal. Le sophisme, c'est un mal. Le sophisme, on ne peut pas l'expliquer avec le fait de purifier son nefs. Car le sophisme, c'est plutôt suyer son nefs. Surtout si les derniers sophis, maintenant. C'est suyer son nefs. Ils n'ont pas la purifier. ويقول الشيخ النجمي معلقا على هذا كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل ولكن أين هذا من الصوفية أين منهم طهارة النفس وأين منهم نقاء القلب وهم يؤمنون بوحدة الوجود وهم يؤمنون بوحدة الوجود فيؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله والكتاب والسنة ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. الشيخ النجمي on critique ce passage, il dit et chaque musulman que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé des passions si véridiquement que la base de tout le bien c'est le fait de purifier son nefs et le fait de purifier son cœur et le fait d'être constant dans l'œuvre. Mais les sophis au son de tout ça, c'est quoi la position des sophis au niveau de tout ça? C'est quoi leur position au niveau de la purification du nefs? C'est quoi leur position au niveau de la purification du cœur? Alors qu'ils croient en l'unicité de l'existence, ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans toutes ses créatures, ou il est dans certaines de ses créatures. Où sont-ils de la pureté du nefs? Alors qu'ils délaissent de côté, qu'ils mettent de côté les sources de la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prendre, qui sont le livre et qu'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le livre d'Allah azza wa jal et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ils prennent comme source le discours de leur cœur. Certains parmi eux disent mon cœur m'a parlé de mon Seigneur, mon cœur m'a parlé de mon Seigneur. Et certains parmi eux nous disent à ceux qui prennent, qui mettent en application le hadith, vous prenez votre religion des morts et nous on la prend du vivant. Parce qu'ils croient, mon cœur m'a parlé de mon Seigneur, en se basant sur ceci. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم. الشيخ النجمي de nous dire et où sont-ils de la pureté de l'nefs et de la purification des cœurs alors qu'ils se permettent tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait illicite et ils prétendent qu'ils sont arrivés et quand ils sont arrivés au haut degré, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis tout ce qu'il a interdit aux autres et qu'il a fait qu'aucune obligation n'est obligatoire pour eux et que tout ce qui est obligatoire pour les autres il ne l'est pas pour eux. أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي لأن النبي يأخذ بواسطة الملك أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية. أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون. Écoute aussi cette parole du Cheikh Najmi qui dit où sont-ils de la purification de leur nefs et de la pureté de leur cœur quand ils prétendent que le wali il a une position très élevée chez Allah Azza wa Jal, plus que le messager alayhi salatu wasalam, plus que le prophète. Car le prophète, il prend ses enseignements par une intermédiaire qui est l'ange. Alors que le wali la prend directement d'Allah. Où sont-ils aussi, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, de la pureté du nefs et de la pureté du cœur, alors qu'ils croient que certains wali gèrent ce monde. Ils font ce qu'ils veulent au monde. Et nous, on leur dit, si vous allez gérer ce monde, ça fait plus de 80 ans que nous pleurons la blessure de la Palestine. Libérez-la dans ces cas-là. Wasma al-An, il a ma atabi Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala من كلام لعبد الرحمن الوكيل. واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقل في كتاب هذه هي الصوفية عن الجيل ادعاءه للربوبية، فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى، فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى حيث قال: لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي، فأرجو فضله أو فأخشاه، ولقد حزت أنواع الكلام، وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو. Écoute cette parole. Le Cheikh Najmi, hafidhahullah ta'ala, de nous prendre quelques paroles très importantes de Abd al-Rahman al-Wakil, rahimahullah, qui a écrit un bon livre pour connaître le soufisme. Et ce livre, il s'appelle Ça, c'est le soufisme. Et Abd al-Rahman al-Wakil, de certaines paroles d'El Jili, qui prétend la seigneurie, qui prétend la grande seigneurie. Et il dit dans cette poésie: c'est à moi qu'appartient la royauté dans les deux mondes, c'est-à-dire dans ce bas monde et le delà. Et je ne vois personne en dehors moi, et je ne vois personne en qui je vais espérer ou la lui demander quelque chose ou avoir peur de lui. C'est-à-dire, c'est lui Allah. Il n'a pas à avoir peur de personne, ni à demander, à espérer quoi que ce soit de qui que ce soit. Et il dit: j'ai eu toute la diversité du parfait. Tout ce qui est parfait, je l'ai. Et je suis la beauté et de la majesté. Et le tout, c'est moi. C'est-à-dire, toute la création, c'est lui. Et Allah, c'est lui. A'oudou billah. Hadou, c'est les maîtres de pensée d'Yal Soufia. Fa, hadal kalam, liyal mulku fi d-darayn lam ara fihi ma siwaya. Mada taraka li rabbil izzah. وهذه عقيدة وحدة الوجود. فأرجو فضله، يعني أنه ما في أحد أرجوه أو أخشاه. لماذا؟ يقول: لقد حزت أنواع الكلام. وهذا عين الكفر، ومفاده أنه ليس الله إلا هو. وهذه أخبث عقيدة وصل إليها الآدمي، عقيدة وحدة الوجود. فهذا بكلامه يقول أن كل ما في الكون هو الله. حتى أنت أرأيتم كيف وصلوا إلى هذه العقيدة بإيحاء الشيطان. فخيرنا الله عز وجل. Cette parole, il m'appartient la royauté des deux maisons. C'est-à-dire, ce bas monde et le delà. Et je ne vois personne dans ces deux mondes en dehors moi. Qu'est-ce qu'il a laissé au Seigneur des mondes? Qu'est-ce qu'il a laissé à Allah عز وجل? Et ça, c'est le dogme de l'unicité de l'existence. Wahdat al-wujud. Et il dit: je vois personne en dehors moi à qui on qui je vais espérer ou à qui je dois demander quoi que ce soit ou attendre quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il n'y a personne qu'il doit craindre ni en qui il espère. Pourquoi? Parce qu'il dit après: j'ai eu tout, je suis parfait, hein? Je suis parfait. Et ça, c'est la mécréance directement, c'est de la mécréance. Et ça veut dire tout simplement que Allah, c'est lui. Et ça, c'est la plus impure croyance à laquelle est arrivé l'être humain. Le dogme de Wahdat al-Wujud, de l'unicité de l'existence. Hada, avec cette parole-là, il dit que tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est toi. Tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est Allah. Et Allah, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers, même toi, tu es Allah. Vous voyez un petit peu à quel degré ils sont arrivés, où est-ce que Shaitan les a amenés. فَاسْمَعْ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ فَقَدْ كُنْتُ مِنْ جُنْدِ إِبْلِيسِ فَارْتَقَى بِالْحَالُ حَتَّى أَصْبَحَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِ فَانْظُرْ كَيْفَ وَصَلَ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ إِلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْبَاطِلَةِ فَانْظُرْ كَيْفَ وَصَلَ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ إلى هذه العقيدة الباطلة. فهذه العقيدة أفضت بهم إلى أباطيل ما قال بها لا اليهود ولا النصارى. Écoute maintenant, certains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: auparavant j'étais un militaire de l'armée d'Iblis et j'ai évolué dans les situations jusqu'à ce que Iblis est devenu un soldat de mon armée. Regarde jusqu'où Shayat al-Ins sont arrivés. Parce qu'ils sont arrivés à ce dogme nul et faux. Enfin, ce dogme, ces croyances les ont amenés à cette nullité. Cette nullité que même les juifs ni les chrétiens n'ont cru. Ils n'ont pas dit. ولذلكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى وصل بهم الحال إلى أن قالوا بأن فرعون مؤمن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى مؤمن وإن إبليس مؤمن هل في طائفة يهودية أو نصرانية زكت إبليس؟ Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam, ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il dit que ceux-là sont plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Ils sont arrivés à un degré et à une situation, ils sont arrivés juste à dire que Pharaon, il est croyant. Pharaon qui a dit que je suis votre seigneur le plus haut est croyant. Et qu'ils ont dit aussi que Iblis est croyant. Est-ce qu'il existe une secte juive ou chrétien qui a fait l'éloge de Iblis? Appelez eux aussi, hein, que Amr Khalid, il disait aussi que Iblis reconnaît Allah. أين زكاء النفس عند هؤلاء ونقاء القلب سبحان الله فهؤلاء بهذه العقيدة وصلوا إلى مستوى فظيع من الشيطنة والكفر والتمرد على الله حتى تبجح أحدهم وما استحيا وقال كما قال فرعون أنا الله كابن عربي وأمثال هؤلاء ما أنا إلا هو فما الفرق بين هذه الكلمة وكلام فرعون. Donc où est la pureté des cœurs, où est la pureté de la personne, où est la propreté et la clarté des cœurs, hein? Ceux-là, avec ce dogme, ils sont arrivés à un niveau, hein, de shaitana et de mécréance, à se révolter contre Allah Azza wa Jal, jusqu'à à certains parmi eux. On dit, comme il a dit Pharaon, je suis Allah, comme Bnu Arabi, c'est-à-dire Bnu Arabi à l'indéfini. Bnu Arabi, hein? Il dit, je suis Allah. Quand on l'a avancé pour le tuer, qu'il ait sa sentence qu'il mérite, il a dit dans la djellaba, il n'y a qu'Allah. La djellaba qu'il a. Donc, il veut dire que lui et Allah, c'est la même chose. Et l'exemple de cela, il dit, ma ana illa hu, je ne suis que lui. C'est quoi Allah et eux, c'est la même chose. C'est quoi la différence entre cette phrase et ce qu'a dit Pharaon? Il n'y a aucune différence. ثم يقول هذا قول الجيل والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض. الشيخ النجمي ينقل لنا كلام لعبد الرحمن الوكيل من هذه هي الصوفية. ثم يقول هذا قول الجيل والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس للوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره وأنه الغني بذاته فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه الوهاب للنعم ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم ولم يكتف الجيل بهذا بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغاير الجيل ويخرج عن حقيقة ذاته فقال. Donc, et Cheikh Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, de continuer de nous citer les paroles du Cheikh Abdelrahman Al-Wakil, hein, dans son livre Hadihi, ça c'est le sophisme, qui est un livre en 3 tomes. Il dit, il jili, ça c'est la parole d'El Jili. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et Allah appartient à la royauté, le royaume des cieux et de la terre, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Mais il jili, ment. Il dit, c'est à lui qu'appartient la royauté de ce bas monde et de l'au-delà. Et que dans cet univers et dans cette existence, il n'y a aucun seigneur à part lui. Et pour le jour de la résurrection et le jour des comptes, il n'y a aucun roi à part lui, à part le gilet. Et que lui, il se suffit à lui-même. Donc, il n'a pas besoin de chercher aide auprès de qui que ce soit, ni de chercher un bienfait auprès de qui que ce soit. Et donc, il n'a pas à avoir peur de qui que ce soit. Car il est le roi de tout et celui qui les possède tous. Et le gilet, ça lui a pas suffi toutes ces énormités. Et il a continué à énumérer hein, certaines créatures et certaines choses et certains aspects de l'existence au niveau matériel, au niveau symbolique, au niveau des âmes, etc. pour prétendre que ça, que lui, c'est l'essence de ces choses. Hein? Dans leur existence et dans leur corps aussi. Pour que personne n'ait l'illusion qu'il y a quelque chose qui est en différence avec le Jili et qui sort de la réalité d'El Jili. Ainsi, les maîtres d'El Sophia parlent. وَبَدَأَ الْجِيلِ يَقُولُ فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شائق طال أعلاه ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإيتار لحق تعاطاه ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه ورفرف عز مجلاه فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقتي إله وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسمى Et dans cette posée-là de Gili, il est en train de dire tout ce que tu vois comme minéraux, comme végétaux, comme animaux, etc., etc. Il dit, tout ce que tu vois, c'est moi. Et c'est moi la réalité de ces choses. Jusqu'à ce qu'il ait dit, je suis le Seigneur de tout le monde. Je suis le Seigneur de tout ce qui existe. Au niveau du nom, au niveau de l'aspect aussi. فمهما ترى مهما ترى ثم قال فإني ذلك الكل هذه العقيدة الخبيثة هذه عقيدة الكفر والزندقة وحدة الوجود إنا لله وإنا إليه راجعون ce que tu vois tout ce que tu vois hein? Ça c'est jusqu'à ce qu'il est arrivé qu'il dit que c'est lui le Seigneur de tout et lui le tout hein? Ça c'est un pur dogme et c'est dogme de mes croyances. C'est le dogme de l'unicité de l'existence. Et Allah, nous revenons. Et Allah, nous appartenons. ثم قال الوكيل فيما نقل عنه الشيخ النجمي أرأيت إلى الجيل بأي وثنية ينعق وبأي مجوسية يدين أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقة إله يا للجيل يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف أرأيت إليه في زعمه أنه ورب الأنام وسيده إلى أن قال إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون هذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية فأي إصلاح يأتي من الصوفية أفظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعايشها ليل نهار الشيخ النجمي حفظه الله تعالى de continuer de nous citer certains passages du livre ديال عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى il dit il wakil Est-ce que tu as vu, il ou qu'il de dire, est-ce que tu as vu le gilet avec quel paganisme, il parle, avec quelle religion zoroastrienne il pratique. L'as-tu pas entendu dire, je suis la réalité de toute chose. Je suis lui, il n'y a rien d'autre que lui et moi c'est la même chose et donc le Gili il est en train de juger que tout ce qui existe il est néant et que lui c'est le Seigneur de tout et le Wakil lui dit ça c'est Zendaka dans la parole des hommes de science c'est l'hypocrisie de cette Zendaka c'est celle que héritent les Sophies l'un de l'autre les Sophies héritent cette Zendaka et cette mécréance entre eux et donc il va sur eux et il est correct le verset sur eux il les concerne. Atawasaw bihi bal hum qawmun ta'un. Ta'un. Ils se sont conseillés cette voie. Donc ce sont des gens qui ont dépassé leurs limites. Et ça, c'est le sophisme que prétend le Banna, que c'est une réalité. Ça, c'est le Cheikh Najmi de nous dire, ça c'est le sophisme que prétend le Banna, que le Banna prétend que c'est une des significations de la réforme. Quelle réforme va venir du sophisme? Est-ce que tu crois que le Banna ignore ses futilités et ses mensonges et ses prétentions, hein, de l'athisme, alors qu'il est né dans le giron du sophisme, qu'il a été éduqué au milieu des sophies nuit et jour, il les a côtoyés. بل البنا وأخوه رددوا أبياتا فيها وحدة الوجود وسبق معنا هذا عند إنشادهم فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. البنا et son frère, lorsqu'ils accompagnaient les cortèges du Mouloud, avec son frère, il répétait ces versets dans lesquels il y a l'unicité de l'existence. Et ceci est passé avec nous au début du cours. Il disait ces versets, il répétait ces versets. Tout en dehors d'Allah, si tu vas l'authentifier, il n'existe pas, que ce soit dans les détails ou là dans le général. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطين الجماعة ومحمد سرور زي العابدين قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد 27 جماد الآخرة عام 1413 للهجرة وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الحزبية وذكر أسباب انفصاله عنها ثم قال بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدلها بغيرها وها قد مضى على مسيرتي أكثر من 20 عاما ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات إلى أن قال أولا أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها فمن كان هذا هو اعتقاده في وصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. الشيخ نجمي دو ندير. Et ce style, de Jama'at al-Ikhwan, il y a une des têtes d'Al-Ikhwan qui l'a critiqué, qui était avec eux, qui est sorti d'eux. Mohamed Sourour Zil Abidin, le chef de l'autre secte qui s'appelle Sourour, il est maintenant dans le siège, il est à Londres. Il a dit dans sa revue qui s'appelle Sunna, le 7e numéro, de Jumad al-Akhira au l'an 1413, et c'est un long exposé qu'il a écrit et dans lequel il raconte tous les points néfastes c'est l'Ikhwal al-Muflisoun et tous les points néfastes c'est les autres groupes Hizbi, et il raconte aussi pourquoi il a quitté l'Ikhwal al-Muflisoun. Il a dit après m'être séparé du premier groupe, je me suis fait des points de départ et une ligne de conduite de laquelle je ne vais pas bouger, je ne vais pas la changer. Et il a dit, je suis sur cette voie-là depuis 20 ans. Et plus les jours passent, plus je suis convaincu qu'il faut que je me cramponne à ces principes. Et il a dit, ces principes que lui s'est choisi. Et il a dit, premièrement, la base pour moi, le fondement pour moi, le premier fondement pour moi est le fait de se cramponner au dogme et à la voie des puissants d'Allah alayhim. Il a dit, à ce niveau-là, il n'y a pas de marchandage à faire. Et il dit, celui dont les croyances, dont les fondements de la religion et dont les détails, c'est la voie des puissants d'Allah alayhim, c'est mon frère et c'est le plus proche de moi. Et peu importe sa couleur ou le nom de son groupe à qui il appartient ou peu importe s'il est loin de moi ou il est dans un autre pays ou quoi que ce soit. Et il dit ولم يعد العمل وقال ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي. Il dit, Sorour, c'est là la critique qu'il fait à l'Ikhwan, et pour moi maintenant l'activité islamique, ce n'est plus une dawa salafia et une réalité soufie, car ceci c'est un mélange qui n'a pas de fondement. Et ce mélange ne peut pas amener à l'unicité de l'activité islamique. فاسمعوا الآن للشيخ الجهني في نقد سرور فيقول الشيخ الجهني حفظه الله فهذا سرور يرد على البنا وجماعته الذي أسس دعوته وقال عنها دعوة سلفية وحقيقة صوفية وقول سرور الالتزام بعقيدة السلف الصالح هذا كذلك يرد فيه على البنا وأمثال البنا والحقيقة أن زين العابدين سرور لم يلتزم بهذه الأصول بقيت فيه رواسب إخوانية صحيح أنه وقع تصحيح ولكن السروريين بقوا على طريقة ومنهج الأخوان في كثير من الجوانب ولو التزموا منهج السلف لكان خيرا لهم. C'est maintenant la critique de Johani de ce passage. Il dit voici Sourour qui était parmi le groupe qui réplique maintenant Al-Banna et au groupe de l'Ikhwan al-Muslimin. Al-Banna qui a fondu sa da'wa et il a dit sa da'wa c'est une da'wa salafia et une réalité soufie. Sourour lui dit, lui a répliqué sur ça. Et Sourour, il dit, Sourour s'est donné un fondement de se cramponner au dogme de Al-Salaf Saleh. Ça aussi, Sourour réplique dans ce passage-là, dans le fait de dire, quand Sourour dit se cramponner au dogme et à la voie d'El Salaf Saleh, ça aussi c'est une réplique à Al-Banna et à ceux qui suivent la voie d'El Banna et ceux qui sont sur les mêmes voies que Al-Banna. Et mais en réalité, dit Cheikh Abu Malik, Zil Abidin Sourour ne s'est pas cramponné à ces fondements qu'il s'est donné. Il est resté dedans certains restes d'El Ikhwan. Il dit, c'est vrai, il y a une certaine authentification, une certaine correction, mais les Sourourites sont restés sur la voie d'El Ikhwan dans beaucoup d'aspects dans leur da'wa. Ici, s'ils s'étaient cramponnés à la voie de leur puissance, ça aurait été un bien. Fekoulou Abu Malik al-Juhani حفظه الله فمحمد زي العابدين رئيس طائفة السرورية وهذه الطائفة انشقت عن جماعة الإخوان لأن سرور نقم عليهم أشياء ومنها التصوف والسرورية كالإخوان تمكنوا في السعودية وفكرهم تغلغل في كثير من الدول الإسلامية والأوروبية والأمريكية ولهم في السعودية وفي كثير من البلدان مشايخ ولهم مجال واسع ويسمون بالقطبيين وفي أوروبا تعرفهم بزيهم الذي هو السراويل الضيقة واللحى وكثير منهم يسبلون وإذا دخلوا المسجد كفتوا سراويلهم ولا عدو لهم إلا حكام بلدان المسلمين فالسرورية في أصلها حركة تصحيحية لمسيرة الإخوان فما هي إلا جماعة مشقة عنها ولكن هذا التصحيح لم يكن وافيا شافيا لأن السرورية أنفسهم عندهم بلاء عظيم فيهم بقايا إرث الإخوانية وإن كانوا أفضل منهم من جوانب لكنهم ليسوا من أهل السنة. محمد زين العابدين كي لشف دي سروريت دي سجروب دي السرورية كي تان جروب وغياليتي كي سورتي دي جيرون دي فرير مسلمون. Parce que Sourour a reproché des trucs à l'Ikhwan al-Muflisoun, notamment le soufisme. Mais les Sourouris sont comme l'Ikhwan. Ils se sont aussi ancrés dans la jeunesse saoudienne et dans la jeunesse de beaucoup de pays musulmans. Et en Europe, ils sont nombreux, et aux États-Unis. Et dans beaucoup de pays, ils ont leur chouyour. Et dans les pays musulmans, dans leur aspect extérieur, tu ne fais pas la différence entre eux et un salafi. Et ça, c'est très dangereux. Ils jouent sur cet aspect-là. Dans leur aspect extérieur, ils sont dans certains pays, dans les pays musulmans, tu ne fais pas la différence. Ils ont leur chouïr aussi. Quand ils les entendent parler, ils citent l'Albani, comme ils citent Ibn Baz, comme ils citent etc., etc. Mais ils ont des failles, ils ont des trucs. Hein? Et on les appelle aussi les Qutbi. Et en Europe, comment l'aspect qui est caractéristique les sororis en Europe et les Qutbi, c'est que souvent, ils sont avec la barbe et ils mettent des jeans et ils mettent des vêtements serrés. Quand ils rentrent dans les mosquées, ils retroussent le jean en général. Que ce soit à Bruxelles, à Londres et partout un petit peu. C'est une de leurs caractéristiques. La barbe, etc. Et les jeans, et etc. Et quand ils rentrent dans les mosquées, ils les voient en train de retrousser. Quand tu les entends parler, tu vois, les gouverneurs de pays de l'islam sont mécréants et ainsi de suite. Et les sororis et les Qutbi n'ont d'ennemis que les gouverneurs des pays de l'islam. Et par tous les moyens, ils essayent d'enverser les pays musulmans. De Londres et de là où ils sont, ils envoient leur venin pour essayer de renverser les pays de l'islam. Et Sororia, à l'origine, c'était un mouvement authentification de la voix, authentificateur de la voix des Ikhwan. Mais en réalité, ce n'est qu'un groupe qui s'est détaché du groupe mère, qui sont Ikhwan. Mais cette correction qu'ils voulaient faire n'a pas été complète, il n'a pas été faite. Car les sororis eux-mêmes, ils ont beaucoup de catastrophes. Ils ont beaucoup de points dans lesquels ils divergent avec la voix de nos puissants, d'Allah alim. Et ils ont des restes, ils ont beaucoup d'héritage de l'Ikhwan. Même s'ils sont mieux que l'Ikhwan dans certains aspects, mais ils ne font pas partie des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Wa ra'isuhum zil abidin yahmilu hiqdan aziman ala ulama al-Saoudiya. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan, wa ghayruhum min ahli al-ilm, kal-Albani wa Cheikh Muqbil wa amthal ha'ula'i al-a'lam. Wa hadha sayati ad-dalil min kalamihi huwa. Et le fondateur et le président d'Al Sururiya Zil Abidin, il a une grande haine, il porte une grande haine contre les savants d'Arabie Saoudite, comme Ibn Baz, comme Al-Uthaymeen, comme Cheikh Al-Fawzan et autres, comme Al-Albani, comme Cheikh Rabi', comme Cheikh Muqbil, et tous ces emblèmes de la Sunna. Et cela, Cheikh va nous citer les preuves de sa parole directement, de Surur, lui-même, dans sa revue. « Wa majallatuhum sunna » كما قال الشيخ ناصر يسمونها بغير اسمها وبعض أهل العلم قال ويحق أن تسمى البدعة. Il a revu Sunna. Cheikh Nasr a dit rahmatullah alayh, il l'appelle avec autre chose que son vrai nom. Il ne devrait pas l'appeler Sunna. Et comme a dit, je crois que c'est Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, il dit le réel nom de cette revue, c'est pas Sunna, c'est le bid'a, c'est l'innovation. فلماذا ينصبون العداء للعلماء ولماذا رفضوا الحق الذي قدمه لهم الشيخ ربيع في انتقاداته على سيد قطب لو كانوا سلفيين فعلا يحبون الحق ويريدون العقيدة السلفية لقبلوا الحق وآثره على غيره لكنهم يقولون شيئا وواقعهم شيء آخر مع الأسف الشديد وهذا ما عليه كذلك الدعاة في بروكسل وفي بلجيكا وفي كثير من البلدان الأوروبية. Ils prennent comme ennemis les grands hommes de science. Et pourquoi ils ont refusé la vérité que leur a présentée Cheikh Rabi' dans sa critique de Sayyid Qutb? S'ils étaient salafis, ils aimeraient la vérité et ils l'apprendraient. Ils prendraient le dogme de leur plus aïeul. Ils accepteraient la vérité de qui que ça vienne et ils la mettraient en avant. Mais ils disent une chose, mais leur réalité c'est une autre chose. Et ça, c'est la voie sur laquelle sont la majeure partie des du'ats en Belgique et à Bruxelles, et une grande majorité de du'ats ici en Europe, ils sont sur cette même voie-là, sur la voie des sororis. مع الأسف الشديد السياسة أكلت قلوبهم فأصبحوا سياسيين دبلوماسيين وتعرفون خصائص السياسي الدبلوماسي يقول بلسانه شيئا ويخالف بقلبه وهم كذلك سياسيون فانظر ماذا فعل شركوزي بطارق رمضان ماذا قال له وصفه بأنه ديماغوغ وهذه خصوصية السياسي. Et avec grand regret, ils versent trop dans la politique et la politique a grignoté leur cœur. Ils sont devenus des politiciens et des diplomates. Et la plus grande caractéristique des politiciens et des diplomates, c'est qu'ils disent avec leur langue quelque chose, mais ils sont en divergence dans leur cœur. C'est comme ça, les politiciens. Regardez quand le président Sarkozy a coincé Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment il l'a décrit? Il lui a dit, tu es un démagogue. Tu es un démagogue. Il l'a décrit étant démagogue. Et être démagogue, c'est la caractéristique du politicien pour arriver à un but. فعندما تسمع كلام زي العابدين والسرورية الالتزام بالعقيدة هذا كلام طيب حلو ولكن مواقفهم ومواقف مرشدهم من علماء السنة سيئة جدا وحزبيتهم الضالة الضيقة وحربهم لبلاد التوحيد وحربهم للسنة والمنهج السلفي يتناقض أقوالهم فكيف نوفق بين هذا الكلام الجميل الالتزام بعقيدة السلف والمواقف والواقع لا يصدقان ذلك إن لله وإنا إليه راجعون. فكنت entends les paroles de Zil Abidine Sourour et les sourourites en général, se cramponner à la voix du Puzayul, ça c'est une bonne parole, c'est une parole douce, c'est une parole agréable à entendre, mais leur position et la position des sourourites et la position du fondateur de ce groupe et de son président, ils ont une haine contre les hommes de science de la Sunna. Ils les détestent. Et leur sectarisme égaré et étroit fait que ils font la guerre. Leur seul ennemi, c'est l'Arabie Saoudite, le pays du monothéisme. Et ils combattent la Sunna, et ils combattent la voie du puiseur d'Allah. Donc leurs actes sont en contradiction avec leurs paroles. Comment on peut allier les deux, entre les paroles et les actes, entre les positions dans la réalité et leurs paroles? Leurs paroles sont en contradiction avec leurs actes. Et Allah, nous appartenons, et Allah, et vers Allah, nous revenons. لعلك الآن أخي تتساءل لماذا العلامة النجمي نقل لنا كلام سرور إذا كانت حاله هكذا مع السلفيين. هذا النقل يا أخي يبين لنا فيه الشيخ أن السلفيين ليسوا الوحيدين الذين انتقدوا البنا وجماعته، وإنما النقد صدر كذلك من بعض أساطين الإخوان وممن كانوا معهم. Peut-être que maintenant, des fois, la question se pose dans ton esprit, frère, en Allah Azza wa Jal, pourquoi Cheikh Najmi ne cite les paroles d'Yal Sourour alors qu'il est comme ça, que c'est un ennemi de la Salafia, il est un ennemi de la Salafie. Avec cette citation que nous fait Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala de Sourour, c'est pour nous montrer qu'il n'y a pas tout simplement les Salafis qui ont critiqué le Banna et le groupe d'Yal Ikhwa al-Muflisin, mais que aussi certains grands d'Yal Ikhwan qui les ont quittés, qui ont fondé leur groupe, ont critiqué l'Ikhwan aussi, et que la critique leur vient de leur intérieur aussi. وعودة الآن إلى كلام شيخ النجمي حفظه الله تعالى ولا يؤدي إلا إلى الخصومة ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر لأن الصوفية شدود وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به. وهذا كلام سرور. كما أن العمل السياسي العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث فإنني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل السياسي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. Et Cheikh Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, de nous continuer de nous citer des paroles de Sourour. Il Mahdi. Et l'activité islamique chez moi, ce n'est plus une da'wa salafia, une réalité soufi, et que ce genre de mélange n'est pas bon pour être la base pour l'unicité de l'activité islamique. Mais que ce mélange et ce mixage n'amène que vers les litiges et vers la division et vers la guerre. Car le soufisme, c'est une marginalité et c'est une déviance de la voie de la vérité en laquelle nous avons cru des sourours. Et il dit aussi, c'est toujours la parole de Sourour, comme l'activité islamique n'est plus un emblème qu'on répète sans le méditer. Et il dit, il fait partie de cela ce que disent certains, et que certains parmi nous, et qu'on excuse, et qu'on s'excuse les uns les autres dont les choses et les sujets sur lesquels nous sommes en divergence. Et il dit, comme j'ai dit auparavant, je n'excuserai pas quelqu'un qui est en divergence avec moi, une divergence contraire. Comment je peux l'excuser alors que je crois que la vérité et la preuve est avec moi? Et il dit, ma raison n'imagine plus l'existence d'un groupe unique dans lequel il y a le soufi, le salafi, l'ash'ari, l'khariji, ceux qui appellent vers l'i'tizal, ceux qui appellent vers l'école de la raison et autres parmi les croyances et les orientations différentes qui sont différentes les uns des autres. Et il dit, je suis arrivé au point, j'ai su que les grands rassemblements ne sont pas une preuve comme quoi on a réussi. Ils ne sont pas une preuve de la réussite de l'activité islamique. Et que la politique du rassemblement est une politique qui est non avenante, qui n'amène pas à un but. Quand les du'ats, les prêcheurs, n'ont pas un esprit saint, n'ont pas une imagination saine des points de départ et des fondements de départ. فهذا الكلام يمثل حقيقة المنهج الذي صارت عليه السرورية هذه الحركة التصحيحية للإخوانية ولكن السرورية لم تلتزم كذلك منهج السلف الصالح وبقيت عندها أشياء كثيرة من تخليطات الإخوان ونهم ذلك أنهم بقوا مفتونين بالعمل السياسي والتهيج الحركي والإثارة على الحكام وتكفيرهم. Donc ces paroles nous montre la réalité de cette voie d'Al Sururia. Nous montre la réalité de la voie d'Al Sururia et que cette voie, qui est une voie au départ, une voie de correctionnelle de la voie d'Ikhwan, mais Sururia ne s'est pas cramponné, ne s'est pas attaché à la voie du Puzel, d'Allah Alim. Il est resté dans la Sururia, hein, certains mélanges d'Al Ikhwan aussi. Et parmi les points des ikhwans qui sont restés sur les sororis, c'est qu'ils sont perturbés. Ils sont attirés par les activités politiques. Ils sont attirés par le fait d'allumer les peuples contre leurs gouverneurs et de rendre mécréants les gouverneurs du pays de l'islam. فالسرور أخ الإسلام في كثير من الأحيان يخدعك تظنه سلفيا خاصة في دول الخليج وفي البلدان الإسلامية ولكنه ليس كذلك وتسمع يردد كلاما عن العلم وعن العلماء والعقيدة والتوحيد وهذا حال كثير من الدعاة حولنا في بروكسل وغيرها من المدن الأوروبية والأمريكية فتغتر به وكذلك في السعودية كثير من طلاب العلم والمشايخ السروريين وفي العالم يغتر بهم تسمع كلامهم مثل كلام سرور فتغتر ولكن إذا نظرت إلى حركتهم في الميدان تجدهم أنهم سرورية ويعيدون وبعيدون عن المنهج السلفي. Donc le sururi, dans la majeure partie des cas, tu te fais avoir par les sururi. Tu le crois salafi, surtout quand tu es en Orient, dans le pays du Golfe et dans les pays musulmans, Bah, quand tu l'entends parler, répéter les paroles des hommes de science, citer les hommes de science, parler de l'aqida, du monothéisme, tu te fais avoir. Et ça, c'est les situations aussi qu'ont beaucoup de prêcheurs à Bruxelles et dans beaucoup de villes ici en Europe et aux États-Unis. On se fait avoir parce qu'ils te parlent de l'Albanie, ils te parlent de Ibn Baz, mais en réalité, ce sont des sororis. Il en est de même. En Arabie Saoudite, il y a beaucoup de demandeurs de science qui sont sur la voie des sororis. Et même certains machaïrs sont des sororis. Et dans le monde, on se fait avoir par leurs paroles, comme on se fait avoir par quand on lit ces paroles d'El Soror, on se fait avoir facilement. Mais quand tu vois leurs mouvements, quand tu vois ce qu'ils font sur le terrain, etc., tu te rends compte que c'est des sororis et que ils sont loin de la voie du puiseur. Fassorori yakha l'islam kal asha'ira. الأشاعرة ليسوا معتزلة خلص ليسوا سلفيين خلص فهم في منزلة بين المنزلتين عندهم اعتزال وعندهم أثر وعلم لذلك كان يصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأنهم مخانيت المعتزلة المعتزلي ذكر صافي الأشعري خنثى فيه صفات الذكورة وصفات الأنوثة ليس معتزليا خالصا وليس سلفيا خالصا ويسمون كذلك بأفراخ المعتزلة. Donc, sorori, c'est comme l'ashaira. L'ashaira, ce n'est pas des mu'tazila purs. Ils ne ce sont pas des salafis non plus purs. Ils sont entre deux situations. Ils ont de l'i'tizal, ils ont de la science et des preuves. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, a dit de l'ashaira que ce sont les efféminés de l'mu'tazila. L'mu'tazila et l'mu'tazili, c'est un mal pur. L'Ash'ari, c'est un efféminé. L'Ash'ari, il y a dedans, c'est un traversé. Il y a dedans le mâle, il y a dedans certaines caractéristiques du mâle, il y a dedans certaines caractéristiques de la femelle. Il n'est pas mu'tazili complètement pur, il n'est pas salafi complètement. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les poussins d'Yel Mu'tazila. Le Mu'tazili dit Kabir, Wadih, l'Ash'ari, Farchon Sa'ir. ولذلك بعض الدعاة المعاصرين سمى السروري أفراخ الإخوان المسلمون ولما بلغت هذه التسمية وهذا الفصل هذا الوصف محدث الديار اليمانية العلامة الشيخ مقبل أعجبته جدا وجعل الشيخ يضحك ويقول لله دره أنا كنت أبحث عن وصف لهم فجاء به فكما أن الأشعري أفراخ المعتزلة فكذلك السروري أفراخ الإخوان المفلسين فهذا كلام لا بد منه والشيخ النجمي سيأتي بكلام سرور يبين لنا ما عليه هذا الرجل. Donc, frère, الله عز وجل. المعتزلي c'est un coq pur. الأشعري c'est un coquelet. C'est pour ça que certains duat contemporains a appelé le sorori les poussins des frères musulmans. Quand cette appellation est arrivée aux oreilles du muhaddith du Yémen, Cheikh Mokber, rahimahullah ta'ala, avant sa mort, ça lui a pas plu. Il a ri de cette appellation. Et il a commencé à rire. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant dua à ce prêcheur qui les a appelés ainsi, il a dit j'étais en train de chercher une description à donner au sororite et celui-là, il me l'a ramené. Il a raison. Comme l'Ash'ariya, ce sont les poussins d'Yel Mu'tazila, les sororites, ce sont les poussins d'Yel Ikhwal Muflisoun. Et ce sont des paroles, c'est obligatoire qu'on les entende, qu'on les dise. Et Cheikh Najmi, tu vas voir, il va nous ramener des paroles de Soror directement et des livres et de la revue de Soror qui vont nous montrer la réalité de cet homme et de son mouvement. Wa yaqulu Cheikh Najmi hafidhahullah ta'ala wa biqat' an-nazar عن صدقية الدعاء أنه حين ترك الإخوان ينتقل إلى المنهج السلفي الصحيح أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج برهة من الزمن وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته ومنها جمع مؤسسي بين متناطق ذات كجمعه بين السلفية والصوفية ومع ما بينهما من البون الشاسع والفرق العظيم بل مع ما بينهما من التناقض. Et Cheikh Najmi de nous dire, de continuer de nous dire, et là maintenant ce sont les paroles de Cheikh Najmi, on ne regardons pas si dans ce qui prétend Soror il est vrai ou pas au moment où il a quitté l'Ikhwaniya Est-ce qu'il est allé dans la voie du plus aigle ou pas? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Mais parce qu'il a pris certains aspects, il a laissé certains autres. Mais est-ce que le témoignage de cet homme, malgré qu'il a vécu dans cette voie un certain laps de temps, il a connu beaucoup de points néfastes dans ce groupe, c'est-à-dire dans l'Ikhwan, et il les a laissés pour les points néfastes qu'il y a dans ce groupe. Et notamment, le fait que le fondateur de ce groupe réunissait beaucoup de contradictions. Réunir Salafia et le sophisme, alors qu'il y a une grande différence entre les deux, et qu'il y a une grande contradiction entre les deux. Et Cheikh Najmi de nous dire, ونقده في قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فإذا كان الاختلاف العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا. Et aussi la critique de Sourour dans ceux qui disent et on se pardonne les uns les autres dans les sujets sur lesquels nous sommes en divergence. Cheikh de nous dire, Cheikh Najmi Hafidhahullah, mais comment ils peuvent, si la divergence est du domaine des croyances et que les croyances sont en contradiction, comment ils peuvent s'excuser les uns les autres? ونقده كذلك ينقد سرور سياسة التجميع وحكموا عليها أنها سياسة فاشلة فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات ومعنى ذلك أن يعتقدوا منهجا ثابتا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه aussi la critique, Cheikh Najmi de nous dire aussi la critique de Sourour quand il critique la politique de réunir et qu'il a émis la sentence comme quoi la politique de réunir est une politique qui est faible, qui ne ramène pas un résultat. Car comment réunir des gens dont les convictions sont différentes et dont les orientations sont différentes? Et Sourour a prouvé que la réussite ne peut être que pour une voie dont les points de départ sont solides. Et cela veut dire, Cheikh Najmi, qu'il croit en une seule voie, à une voie solide. Il y a une voie sûre qui est la voie du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de son messager alayhi salam et la voie du plus élevé d'Allah alayhi en ce qui concerne les actes et que recevoir les ordres ne vient que d'Allah et de son messager et que le fait d'être épargné de l'erreur n'est dû à personne sauf à Muhammad alayhi salam, c'est lui le seul qui est épargné de l'erreur. Et dit le cheikh حفظه الله تعالى ولئن سلمنا جلدلا أن صوفيته سليما من وحدة الوجود فإنها لم تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس غارقين فيه ولم يغير من الأمر شيئا بل أقره وسكت عنه وزعم أن الشرك الذي حرمه الله عز وجل وحدر منه وشرك الحاكمية ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وشرك الحاكمية يدخل تبعا. الشيخ نجمي حفظه الله de revenir à Hassan al-Banna. Il dit si maintenant nous fermons les yeux nous disons que le sophisme de Hassan al-Banna, il n'y a pas l'unicité de l'existence dedans, il n'y a pas wahdat al-wujud dedans, mais son sophisme est taché d'associationnisme, car il voyait devant lui, c'est-à-dire Hassan ibn, il voyait devant lui des gens baignés dans l'associationnisme. Il ne l'a pas changé. Il n'a pas changé cette situation. Il l'a confirmé, il s'est tué. Et il a prétendu que l'associationnisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qu'il a averti contre, c'est l'associationnisme dans le jugement. Et Cheikh Najmi du dire, nous disons que l'associationnisme dans le Hakimiya est une des formes de l'associationnisme. Mais les prophètes alayhi salatu salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à leur peuple, ces prophètes, les peuples de ces prophètes avaient des tawarit vers lesquels ils se tournaient pour juger et pour prendre des sentences. Ils leur obéissaient, ils obéissaient à leur hukm. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas ordonné de blâmer à l'associationnisme du jugement et de laisser l'associationnisme de l'adoration. Mais il leur a ordonné de commencer par l'associationnisme, de combattre l'associationnisme dans l'adoration. Et les versets que Chirichi dit, chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, nous avons dit au messager, il a été révélé au messager, il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Adorez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi, c'est avec ce message qu'il a envoyé les messagers à l'Estatumé. Et l'associationnisme dans le jugement, il rentre dedans. Parce que l'adoration doit être réservée exclusivement à Allah Azzawajal, et le juge aussi à Allah Azzawajal. Donc ça, il est rentré dedans. Il n'y a pas lieu de créer un nom et d'aller dire je combats l'associationnisme dans le jugement. La yakh al-islam. Il faut combattre l'associationnisme dans l'adoration qui est l'origine de tout. Wa akhiran. فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أم من وسائل إهلاكها وإتلافها؟ فالله المستعان. الشيخ نجم يقول إيه dernièrement, est-ce que le sophisme est un moyen pour amener une réforme dans les sociétés, ou c'est un moyen pour périr ces sociétés? Que celui qui est doué de raison, que le sophisme c'est un moyen pour faire périr, une société. وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقاري. الشيخ يدي نبوس هذه الكيستيون. اسألونا هل يصلح أن تقرن ماذا الصوفية بالسلفية والسنة؟ أترك لكم الجواب. الشيخ دي نبوس هذه الكيستيون. دير. إسكو مانتنو؟ إلي بيرمي. إسكو سي أفنون؟ دو ميتر أبي دي كاليتي لا سلفية إلا سنة. Je vous laisse à vous de répondre. Est-ce qu'il est permis de mettre à pied d'égalité le sophisme et la salafia et la sunna? À vous de répondre. Il dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. يقول رحمه الله وحفظه إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا. Cheikh de nous dire le fait de réunir ces choses, c'est-à-dire de réunir le sophisme, le salafisme et la sunna, ceci c'est le fait de vouloir réunir des contradictions. C'est impossible qu'ils se réunissent. Impossible que cela se réunisse. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.